Radiomatique. Beginning. Pour amorcer la transmission 4-2-4 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe allemand Hojob, de son album intitulé Vertical Mixes et paru en 2005. Nous entendions la chanson Mind Crush. L'album Vertical Mixes d'Hojob comprend des versions remixées et remaniées de pièces apparaissant sur son album Vertical Theory, lancé en 2003, en plus de deux nouvelles pièces, dont Mind Crush. Et c'est sur la musique de Los Estomagos que se poursuit cette transmission d'Audiomatic. Venons tout juste d'entendre la formation québécoise Palissade et sa pièce Trop tard tirée du premier album homonyme paru en 2020. Avant Palissade, nous écoutions la formation Cocteau Twins et la pièce Blind Dumb Thief apparaissant sur le premier album du groupe Garlands publié en 1982. Et on amorçait la séquence sur la musique du groupe uruguayen Los Estomagos et la pièce Invierno de leur premier album Tango que mi sistemal, sorti en 1985. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le Shibu Sashirazu Orchestra. Il s'agissait à Audiomatic de la formation japonaise Shibu Sashirazu Orchestra, menée par le bassiste Daisuke Fuya, et sa composition Nadam. Cette pièce est tirée de l'album Shibu Boshi, sorti en 2004. C'est maintenant au saxophoniste Gato Barbieri de remplir les ondes à Audiomatic. Thank you. Oh, Cette séquence musicale était composée d'une seule pièce menée par le saxophoniste argentin Leandro José Barbieri, connu sous le pseudonyme El Gato Barbieri, de l'album enregistré en concert en 1991 intitulé En Vivo en Argentina. Nous écoutions la composition Viva Emiliano Zapata en hommage aux révolutionnaires mexicains du début du 20e siècle. En conclusion de cette transmission 4-2-4 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique du groupe californien Tool, tirée de son troisième album studio Lateralus, sorti en 2001. Nous écouterons la chanson Reflection. La transmission 4-2-5 d'Audiomatique prendra forme mercredi prochain dès 17h. En direct du studio de la radio CFOU 89.1 FM. Alors que sa disponibilité numérique deviendra réalité quelques jours plus tard dans nos archives accessibles, notamment par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatique CFOU. Voici donc Tool et la chanson Reflection. C'était Audiomatique avec les sonoristes.